Chapitre 3e. Plus heureux que Miss Spencer, je ne me rembarquai qu'au bout de 5 ans. Vers la fin de mon séjour dans l'Ancien Monde, j'eus la douleur de perdre mon camarade Jones, qui mourut de la malaria dans le Levant. De retour aux États-Unis, mon premier soin fut de rendre une visite de condoléances à la mère de mon ami. Je la trouvai en proie à une affliction profonde, et je passai avec elle toute la matinée qui suivit mon arrivée à Grimwinter, écoutant sous la véranda l'éloge du cher défunt. Nous ne parlâmes pas d'autre chose, et notre conversation ne cessa qu'à l'apparition d'une dame, douée d'une vivacité extrême, qui arrêta devant le perron un carry-hole qu'elle conduisait elle-même. Elle jeta les rênes sur le dos de son attelage avec la rapidité d'un dormeur qui, réveillé en sursaut, repousse ses couvertures. Elle sauta en un clin d'œil à bas de son équipage rustique et nous rejoignit sous la véranda. C'était la femme du pasteur protestant de Grimwinter, et elle se donnait pour mission de colporter les cancans du jour. Comme je l'avais déjà rencontrée, sa spécialité m'était connue, et il me fut facile de deviner qu'elle brûlait de communiquer à sa voisine un secret important. Je jugeai donc poli de lui laisser le champ libre. J'éprouve le besoin de me dégourdir les jambes, dis-je à mon hôtesse, et avec votre permission, je vais faire un tour de promenade jusqu'à l'heure du dîner. À propos, si vous voulez bien m'apprendre où demeure ma vieille tante, Miss Spencer, je serai heureux de la revoir. La femme du pasteur s'empressa de répondre que Miss Spencer habitait la 4e maison après l'église méthodiste. L'église méthodiste se trouvait dans la seconde rue à droite. Je la reconnaîtrais sans peine, grâce à une drôle de petite décoration architecturale que l'on honorait du nom de portique, mais qui ressemblait à un ciel de lit. Oui, ajouta Madame Jones, dès que son amie m'eut fourni ses renseignements. « Allez voir, ma pauvre Caroline. » La vue d'un visage étranger l'égaira. « Je m'imagine plutôt qu'elle doit être rassasiée de la vue d'un visage étranger, » dit la femme du pasteur. « Je veux dire qu'elle sera heureuse de recevoir une visite, » reprit Madame Jones. « Il me semble qu'elle doit être dégoûtée des visites, » riposta l'autre dame. « Mais vous ne comptez pas rester 2 ans, » continua-t-elle en s'adressant à moi. « Aurait-elle un visiteur de ce genre ? » demandai-je un peu intrigué par cette question. « Non pas un visiteur, mais une visiteuse. Vous verrez le genre. La dame se montre volontiers. Elle se tient une bonne partie de la journée dans le jardin qui fait face à la maison. Seulement, je vous conseille d'être fort poli. Elle est donc très susceptible. » La femme du pasteur se leva d'un bond et m'adressa une belle révérence, une révérence des plus ironiques. « Voilà ce qu'elle est, s'il vous plaît. C'est une comtesse, » ajouta-t-elle en riant d'une façon un peu respectueuse. On eût dit qu'elle riait au nez de la comtesse. Je demeurai une minute immobile, réfléchissant, m'étonnant, consultant mes souvenirs. « Soyez tranquille, je serai poli, » répondis-je en m'éloignant. Je n'eus aucune peine à découvrir la demeure de Miss Spencer. L'église méthodiste me servit de point de repère, et une maison voisine, aux vieux murs jaunis à moitié cachés sous des plantes grimpantes, était bien l'asile qui convenait à une pauvre institutrice amoureuse du pittoresque. Arrivé près du cottage, je ralentis le pas. On venait de m'avertir que la visiteuse de Miss Spencer prenait souvent le frais devant la maison, et je voulais reconnaître le terrain. Je regardais par-dessus la clôture de planches qui séparait de la rue non pavée le petit espace qui représentait le jardin, mais je ne vis personne. Un étroit sentier conduisait à la porte d'entrée qui s'ouvrait au-dessus de 2 marches délabrées. De chaque côté de la porte s'étendait une pelouse bordée de groseilliers. À droite et à gauche se dressaient 2 vieux cognassiers aux branches tordues, sous l'un desquels on voyait une table et 2 chaises. Sur la table s'étalait un morceau de broderie à peine commencé et 2 ou 3 volumes brochés dont les couvertures aux couleurs éclatantes annonçaient la provenance étrangère. Je poussai la porte du jardin et j'entrai. À mi-chemin, je m'arrêtai, regardant autour de moi, à la recherche de la locataire, devant laquelle, je ne sais trop pourquoi, il me répugnait de me présenter à l'improviste. Un coup d'œil suffit pour me montrer que le cottage avait un aspect des plus pauvres. Je me demandais si je ne commettais pas une indiscrétion, car la curiosité seule me guidait, et dans les circonstances actuelles, la curiosité ressemblait à un manque de délicatesse. Tandis que j'hésitais, quelqu'un se montra à la porte ouverte et se tint là, me regardant du haut des marches. Je reconnus aussitôt Caroline Spencer. Elle ne me reconnaissait pas. Je la saluai, et je lui dis d'un ton de badinage amical « Je vous ai attendu là-bas, Miss Spencer. J'espérais que vous reviendriez, mais vous n'êtes pas revenu. »« Où donc m'avez-vous attendu, monsieur ? » demanda-t-elle d'une voix douce et en ouvrant de grands yeux. Elle avait beaucoup vieilli. Elle paraissait abattue et fatiguée. « Je vous ai attendu au Havre, » répondis-je. Elle me contempla d'un air étonné, puis elle sourit, rougit et joignit les mains. « Je vous reconnais maintenant, » dit-elle. « Je me rappelle ce jour. » Elle se tenait toujours sur le seuil, sans sortir, sans m'engager à entrer. Elle était embarrassée. De mon côté, je me sentais un peu gêné, et je ne trouvais rien de mieux que d'enfoncer dans le sable du sentier le bout de ma canne. « J'ai guetté votre arrivée pendant je ne sais combien d'années, » repris-je enfin. « Là-bas, en Europe ?» murmura Miss Spencer. « En Europe, naturellement. Ici, je n'ai pas eu de peine à vous trouver. » Elle s'appuya contre le poteau d'une porte que le propriétaire s'était dispensé de faire peindre, et baissa un peu la tête. Puis elle me regarda un instant, et je crus reconnaître l'expression que l'on voit sur le visage d'une femme quand ses larmes veulent déborder. Elle s'avança de deux pas sur la marche fendue et ferma la porte derrière elle. Alors elle se mit à sourire, et je vis que ses dents étaient aussi blanches que jamais. « Êtes-vous resté là-bas pendant tout ce temps ?» me demanda-t-elle presque à voix basse. « Il n'y a que 3 semaines que je suis de retour, et vous, n'êtes-vous jamais reparti ?» Me regardant toujours avec son sourire fixe, elle rouvrit la porte sans se retourner. « Je ne suis pas trop poli, » dit-elle. « Ne voulez-vous pas entrer ? Je crains de vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas du tout, » répliqua-t-elle en repoussant la porte et m'invitant du geste à entrer. Je la suivis. Elle me conduisit dans une petite salle qui se trouvait à gauche d'un étroit couloir et que je supposais être son salon, bien qu'il donnât sur le derrière du cottage. Nous passâmes devant la porte fermée d'un autre appartement dont l'on devait jouir de la vue des cognassiers. De ce côté, on n'apercevait qu'une cour occupée par un bûcher et par 2 poules. Néanmoins, la chambre me sembla très jolie, jusqu'au moment où je reconnus combien son élégance annonçait de pauvreté. Ensuite, je la trouvais peut-être plus jolie encore, car je n'ai jamais vu de la percalfanée et de vieilles gravures encadrées de feuilles d'automne disposées avec autant de goût. Miss Spencer s'assit sur une très petite portion de canapé, les mains croisées sur les genoux. On lui redonnait 10 ans de plus que lors de sa visite au Havre, et c'eût été une flatterie indigne que de la qualifier de jolie. Mais il y avait toujours en elle quelque chose de gracieux et de touchant. Elle était évidemment émue. Je feignis d'abord de ne pas m'en apercevoir. Mais au souvenir de notre dernière rencontre, son émotion me gagna. « J'en regrette presque d'être revenu, lui dis-je malgré moi. Ma visite vous fait de la peine ?» Elle se cacha le visage dans les mains puis répondit en souriant. « C'est parce que vous me rappelez ? Oui, j'ai eu tort. Je vous rappelle cette triste journée que vous avez passée au Havre. » Elle secoua la tête. « Triste, ça a été une de mes joies, » répliqua-t-elle. « Je n'ai jamais été aussi indigné, » repris-je, « que lorsqu'en retournant à votre auberge le lendemain, j'appris que vous étiez reparti. » Elle se tut pendant 1 minute ou 2, puis répondit, « Ne parlons plus de cela, je vous prie. » « Et vous êtes revenu tout droit à Grimwinter ?»« J'étais de retour juste 30 jours après mon départ. » « Et vous êtes resté ici depuis ?»« Oui, » répondit-elle doucement. « Quand retournerez-vous en Europe ?» La question était brutale, mais il y avait sous sa résignation quelque chose qui m'irritait et je voulais lui arracher une parole d'impatience. Elle fixa un instant les yeux sur un coin du tapis qu'un rayon de soleil éclairait. Puis elle se leva pour abaisser le store, et ce ne fut qu'après avoir effacé ce point lumineux qu'elle répondit « Jamais. » « J'espère au moins que votre cousin vous a rendu votre argent. » « Je n'y songe plus. » « Vous ne songez plus à votre argent. » « Je ne songe plus à aller en Europe. » « Voulez-vous dire que vous n'iriez pas si vous le pouviez ?»« C'est impossible, c'est fini, je n'y pense plus. »« Alors il ne vous a jamais rendu votre argent ?» m'écriai-je. « Je vous en prie, je vous en prie » commença-t-elle. Elle s'interrompit et regarda du côté de la porte. Un foulement de robe et un bruit de pas avaient résonné dans le couloir. Je dirigeai aussi les yeux vers la porte. Elle était ouverte et livra passage à une dame qui s'arrêta sur le seuil. Cette dame était suivie d'un jeune homme. Elle me contempla assez longtemps pour me permettre de la bien examiner à mon tour. Alors elle se tourna vers Caroline Spencer et dit, avec un accent étranger fort prononcé, « Excusez-moi de vous avoir interrompu. Je ne savais pas que vous aviez du monde. » À ces mots, elle dirigea de nouveau les yeux sur moi. C'était une comtesse vraiment extraordinaire. Pourtant, je me figurais tout d'abord l'avoir déjà rencontrée. Bientôt, je m'aperçus que j'avais seulement rencontré des dames qui lui ressemblaient beaucoup. Mais je les avais rencontrées loin de Grimwinter. Et il me paraissait étrange de retrouver ici un de ces produits d'un autre monde. Vers quel parage sa présence semblait-elle me ramener? vers quel palier obscur d'un quatrième étage parisien, où une locataire vêtue d'un peignoir fané se penche par-dessus la rampe et crie à la concierge de lui monter son café. La visiteuse de Miss Spencer était une femme assez grasse, d'un âge mûr, au visage replet d'un blanc jaune, aux cheveux ramenés en arrière à la chinoise. Elle avait de petits yeux perçants et ce que les Français appellent un sourire agréable. Comme la locataire de ma vision, elle portait une sorte de peignoir de cachemire rose semé de broderies noires et dont les larges manches laissaient voir un bras dodu. « Je venais seulement vous prier de ne pas oublier mon café, » dit-elle à Miss Spencer avec son sourire agréable. « Je voudrais le prendre dans le jardin, sous l'arbre. » Le jeune homme qui accompagnait cette dame s'était avancé à son tour et lui aussi se mit à me regarder. C'était un assez gentil garçon de 18 à 19 ans, avec un air de fatuité provinciale, un Adonis de Grimwinter. Il avait un petit nez pointu, un petit menton pointu et de très petits pieds. Il me regarda bêtement, la bouche béante. « On vous apportera votre café, » dit Miss Spencer, sur les joues de laquelle je vis apparaître deux points rouges. « C'est bien, » dit la dame au peignoir. « Cherchez votre livre, » ajouta-t-elle en se tournant vers le jeune homme. Celui-ci regarda vaguement autour de la chambre. « Vous voulez dire ma grammaire ? » demanda-t-il avec une intonation plaintive. La nouvelle venue me contemplait curieusement et rassemblait les plis de sa robe de chambre en étalant son bras potelé. « Trouvez-vous votre livre, mon ami ? » dit-elle. « Vous voulez dire mon livre de poésie ? » répliqua le jeune homme, dont le regard se fixa de nouveau sur moi. « Baste, laissons là votre livre, » répondit la dame. « Aujourd'hui nous causerons, nous ferons la conversation. Mais il ne faut pas déranger le monde. Venez, j'attendrai mon café sous le petit arbre. » Après avoir prononcé ces dernières paroles à l'adresse de Miss Spencer, elle me gratifia d'une inclination de tête et d'un « Monsieur, j'ai l'honneur » et s'éloigna suivie de son cavalier. Caroline Spencer se tenait les yeux fixés sur le sol. « Qui est donc cette dame ? » demandai-je. « C'est ma cousine, la comtesse. Et ce jeune homme, c'est son élève, M. Mixter. » Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un petit éclat de rire, mais Miss Spencer ajouta avec une gravité imperturbable « La comtesse donne des leçons de français. Elle a perdu sa fortune. Je vois. Elle ne va être à charge à personne, à la bonne heure. » Miss Spencer regarda encore le sol. « Il faut que j'aille chercher le café, » dit-elle. « Cette dame a-t-elle beaucoup d'élèves ? » demandai-je. « Elle n'a que M. Mixter. Elle lui donne tout son temps. » Je réprimai une nouvelle envie de rire. Miss Spencer avait l'air trop sérieux. « Il paye bien, » ajouta-t-elle presque aussitôt avec simplicité. « Il est très riche, il est très obligeant. Il met sa voiture à la disposition de la comtesse et la conduit lui-même. Et elle se disposait à s'éloigner. « Vous allez chercher le café de la comtesse ? » demandai-je. « Si vous voulez bien m'excuser un instant. N'y a-t-il personne d'autre pour se charger de ce soin ? Je n'ai pas de domestique, » répondit-elle avec sérénité. « Ne pourrait-elle se servir elle-même ? Elle n'est pas habituée à cela. Mm-hmm. Mais avant de vous éloigner, dites-moi au juste qui est cette dame. Je vous l'ai déjà dit, là-bas, au Havre, c'est la femme de mon cousin. La dame déshéritée à cause de son mariage ? Oui, sa famille n'a plus voulu la revoir. Et son mari ? Il est mort. Et votre argent ? La pauvre institutrice baissa la tête. Il y avait quelque chose de trop méthodique dans mon interrogatoire. Je ne sais, répondit-elle avec un air de lassitude. Et à la mort de son mari, cette dame vous a rendu visite. Y a-t-il longtemps de cela ? Il y a 2 ans. Et sa visite dure depuis 2 ans ? Elle n'a que moi. Le séjour de Grimwinter lui plaît ? Pas du tout. Et vous, cette longue visite vous plaît-elle ? Miss Spencer se cacha le visage dans les mains, comme elle l'avait déjà fait un quart d'heure auparavant. Puis elle partit bien vite pour aller chercher le café de la comtesse. Je demeurai seul dans le petit parloir. Je voulais en apprendre davantage, bien que déjà presque convaincu que je chercherais en vain à soustraire Miss Spencer à l'esclavage qu'elle s'imposait. Au bout de 5 minutes, l'élève de la comtesse se montra à la porte. Il resta un instant à me regarder, les lèvres entrouvertes. « Elle demande si vous ne voulez pas venir là-bas. » me dit-il enfin. « Qui demande cela ? La comtesse. Elle vous a prié de m'amener ? Oui, monsieur, » répliqua d'une voix faible le jeune homme, qui parut mesurer la taille de 6 pieds dont la nature m'a doué. Je le tirai d'embarras en sortant avec lui, et nous trouvâmes la comtesse assise sous un des cognassiers, occupée à ajouter quelques points au bout de broderie que j'avais vu sur la petite table. Elle m'indiqua gracieusement la chaise qui se trouvait à côté de la sienne. Je m'assis. M. Mixter, à défaut d'autre siège, s'allongea sur l'herbe au pied de la cousine de Miss Spencer. Il resta là, la bouche béante, la tête tournée tantôt vers moi, tantôt vers la comtesse. « Vous parlez français, n'est-ce pas ?» me dit cette dernière, qui fixa sur moi ses petits yeux perçants. « Oui, madame. Je l'avais deviné rien qu'en vous voyant, » s'écria-t-elle. « Vous avez habité la France ? Pendant très longtemps. Vous connaissez Paris ? À fond, madame, » répliquai-je en la regardant bien en face. Sur ce, elle détourna les yeux pour les abaisser dans la direction de M. Mixter. « De quoi parlons-nous » demanda-t-elle à son élève attentif. M. Mixter ramassa ses genoux, arracha une touffe d'herbe, rougit un peu et répliqua, non sans avoir mûrement réfléchi, « Vous parlez français ?»« La belle Malice !» s'écria la comtesse. « Et voilà 10 mois que je lui donne des leçons. Vous pouvez l'appeler crétin sans vous gêner, il ne vous comprendra pas. » J'aime à croire que vos autres élèves vous donnent plus de satisfaction. Je n'en ai pas d'autre. Personne ne sait le français en ce pays et personne ne tient à l'apprendre. Jugez quel plaisir j'ai à rencontrer quelqu'un qui parle ma langue aussi bien que vous. » Je répliquai que le plaisir était pour moi et elle continua d'ajouter des points à sa broderie en montrant son petit doigt recourbé. De temps à autre, elle rapprochait la broderie de son visage comme si elle eût été myope. Je reconnus à première vue qu'elle n'était pas plus comtesse que je ne suis calife. « Causons de mon cher pays, » reprit-elle d'une voix qui voulait paraître émue. « Combien y a-t-il de temps que vous avez quitté la France ? J'y étais encore il y a 2 mois. Vous êtes bien heureux. Donnez-moi des nouvelles de mon vieux Paris. Oh, mon boulevard, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? À peu près ce qu'ils font toujours, s'amusant beaucoup. Au théâtre, hein ? » dit la comtesse avec un soupir. « Au café-concert. Quelle existence ! Je suis parisienne jusqu'au bout des ongles, moi. » « Miss Spencer s'est donc trompée ? » me permis-je de répondre, en me disant que vous étiez provençal. Elle rapprocha un instant son nez de la broderie, qui avait un aspect graisseux. « Je suis provençal de naissance, » dit-elle, « mais parisienne par inclination. Et par expérience aussi, je présume. » Cette hypothèse me valut un nouveau regard scrutateur. « L'expérience, » répéta-t-elle. « Ah, si j'avais su ce qu'elle me tenait en réserve. » Il me désigna avec son coude tout ce qui l'entourait. Le pauvre cottage, les cognassiers, la clôture délabrée qui séparait le jardin de la rue, voire M. Mixter. « Vous êtes une exilée volontaire, » répondis-je, « et l'exil dans ces conditions cesse d'être une peine. En tout cas, ce n'est pas gai, je vous le garantis. Voilà 2 ans que je suis ici, et j'ai passé des heures, oh, des heures. Enfin, je me figure par moments que je m'y accoutumerai. Mais il y a des choses dont on ne se déshabitue pas. Par exemple, mon café. Prenez-vous toujours le café à 7 heures ? Quand voulez-vous que je le prenne ? Dit-elle en hochant la tête. « Il me faut ma demi-tasse après déjeuner. Alors vous déjeunez bien tard. À midi, comme cela se fait. Ici, il déjeune à 7 heures en quart. Ce quart m'amuse. Vous parlez de votre café, » repris-je d'une voix sympathique. « Ma cousine est une bonne fille, mais elle ne peut pas comprendre que l'on tienne à boire chaque matin sa demi-tasse avec une goutte de cognac, de sorte que je suis forcé de le lui seriner presque tous les jours. Et quand le café arrive ? Si je ne vous en offre pas, monsieur, vous m'excuserez, c'est que je sais que vous en avez pris sur les boulevards. » Cette façon dédaigneuse de reconnaître l'hospitalité de Miss Spencer me causa une vive indignation. Toutefois, comme je ne voulais rien dire d'impoli, je jugeais à propos de me taire. Je me contentais donc d'admirer M. Mixter, qui, accroupi sur le gazon, les bras serrés autour des genoux, contemplait la comtesse avec un air de fascination hébété. Elle s'aperçut bientôt que j'observais son élève et me regarda à son tour avec un demi-sourire effronté. « Il m'adore, vous savez ?» murmura-t-elle en replongeant son nez dans sa broderie. Je répondis que cela ne m'étonnait nullement, et elle poursuivit. « Il rêve de devenir mon ami. C'est sa tocade. Il a lu un roman français. Il lui a fallu 6 mois pour cela. Mais depuis, il se croit le héros et me regarde comme l'héroïne. » M. Mixter ne se doutait évidemment pas le moins du monde qu'il fût question de lui. Il était trop absorbé dans son extase. Au même instant, Caroline Spencer sortit du cottage portant un petit plateau. Durant le trajet de la porte jusqu'à la table, elle me lança un seul regard. Un regard rapide, à demi effrayé, plein d'une vague supplication. Je devinais qu'elle désirait savoir ce que je pensais de la comtesse. Ma qualité d'homme du monde, ayant beaucoup voyagé en France, donnait à mon opinion un certain poids. Je me sentis fort embarrassé. Il eût été inutile de lui dire que la comtesse était probablement la femme émancipée de quelque petit coiffeur. Je m'efforçais donc de prendre vis-à-vis de la comtesse une attitude respectueuse. Mais ce rôle était trop pénible pour que je pusse me résoudre à le faire durer. Je me levais. Cela m'irritait de voir Caroline Spencer se tenir là comme une servante. « Comptez-vous rester longtemps, Grimwinter ? » demandai-je à la comtesse. « Qui sait ? » répliqua-t-elle en hochant les épaules. « Peut-être pendant des années, quand on n'a pas de chance. »« Ma chère, » ajouta-t-elle en se tournant vers Miss Spencer, « vous avez encore oublié le cognac. » Je retins Caroline Spencer qui, après avoir regardé un instant la petite table, se disposait à réparer son oubli. Je lui tendis silencieusement la main, en manière d'adieu. Elle avait l'air très fatiguée, mais l'expression de son visage annonçait qu'elle n'était pas à bout de patience. Je crus remarquer qu'elle ne regrettait pas trop de me voir partir. M. Mixter venait de se lever et versait le café de la comtesse. Tandis que je repassais devant l'église méthodiste, je songeais que les pressentiments de Miss Spencer ne l'avaient pas trompée. Elle avait vu, elle voyait quelque chose de la vieille Europe. Ainsi s'achèvent 4 rencontres de Henry James.